Valentin, bonjour. Vous êtes amateur de musique poche? Connaissez-vous? DJ Georges Hebdo. Pour écouter le meilleur du pire de la musique, allant du kitsch sympathique à l'atroce intolérable. Des vidéos, des chansons complètes, des extraits commentés, tout ça et bien plus encore avec votre DJ préféré sur les ondes de douteux.tv. DJ Georges Hebdo. Le mardi à 19h30, DJ Georges, enfin seul dans son sous-sol, peut faire jouer ce qu'il veut sans risquer de se faire interrompre à tout moment par des gens. Qu'est-ce que... Non, mais là, c'est parce que je suis en train de faire la pub. Je t'avais parlé de ça tantôt. Rajoute des couleurs. Je vais te voir après. Oui, c'est ça. Sans risque de se faire interrompre à tout moment. Pardon. Une grosse émission de 70% aujourd'hui. Je suis très content de commencer ça avec un clip français unique des années bénies. Rappelez-vous, dans le temps, tout allait bien. C'est Tommy qui vous dit bienvenue à 70%. Gros show qui s'en vient. Gros show énergie, c'est ça, ouais. On écoute la gaffe. Beau le lavabo. On a les lumières, on a la solo. On a les lumières, on a la solo. Les paroles, c'est pas un problème. La chorégraphie, je vous la fais. Chiche, on en fait. Il est beau, le lavabo. Il est beau. Alors tu reviens 2 ans plus tard, tu gardes la même purée, tu changes les paroles. Ça aurait été le fun, une photo du bidet pour qu'on ait des preuves. T'as vu, c'est pas compliqué, hein. Bon, je vous laisse la musique, moi, pour que j'y aille, je me sauve, hein. Salut! Vraiment, il y a de ces idées qui vieillissent bien et il y en a d'autres qu'on archive ici à douteux.org. Mon nom est Tommy Godette, tel que je vais écrire juste en bas ici. C'est que ça va fort. Je suis en solo pour 70% ce soir parce que c'est le mois de juillet. C'est le mois où tout le monde fait des affaires intéressantes. Et c'est pour ça que moi, ma chose préférée, c'est de faire de la TV, de la radio. Là. En tout cas, passer un petit peu de temps avec vous et ça me fait bien plaisir de y aller avec une émission de clip, un petit peu comme dans le temps, à 70%, à la cour à scrap. Il y a tout un moment donné dans l'année où ça donne plus à moi qu'aux autres. Fait que je me ramasse à la base seul. Mais c'est pas vrai, là, j'ai des gens à côté qui font des tatas et qui vont passer des demandes spéciales. Aujourd'hui, c'est la première version d'un clip show de 70%, version audio avec le visuel. Parce qu'avant, il y avait des clips, mais des clips show, mais c'était juste des affaires audio parce que c'était la radio. Master, on a la couleur, on a le derrière de l'écran, on a les amis. On va sûrement commenter les clips et commencer avec quelque chose d'assez fort. Si vous me permettez, ça va me faire très plaisir de peser play là-dessus. Ah, peut-être que je devrais mentionner que le film qui a été voté au www.douteux.org, c'est Lady Dragon, version française, La Femme Dragon. C'est un film bien spécial avec Cynthia Rothrock qui a... En tout cas, à un moment donné, elle a décidé qu'elle voulait être actrice. Je sais pas comment dire ça, là. Je sais pas si ça l'aide de se faire mettre deux livres chaque bord en haut pour faire des coups de pied, là, mais elle a fait le choix et est devenue une actrice. C'est sûrement la femme qui a kické le plus de cul à l'écran de l'histoire. Elle a fait ça pendant 30 ans avec des grands, des géants, Golan Globus, Gary Daniels. Elle a serré la main à tout le monde, en tout cas. On va en parler un petit peu de Cynthia Rothrock au cours de l'émission. Mais bon, là, on va commencer avec quelque chose qui s'appelle « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est de la grosse nouveauté. C'est notre ami Danny Daniel Gabriel qui, depuis ses Savoies en l'Alpe, ou les Alpes en Savoie, en tout cas, a fait quelque chose de nouveau, de frais. Et comme à chaque fois, il est content de nous l'envoyer. Et nous, on est très content de vous le diffuser. C'est à 70% qu'on écoute sa grande première. C'est « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est Danny Daniel qui reste dans les mêmes thèmes. Faites attention à vous, là. C'est 70% qui commence. On est invulnérables, là, nous autres. de tout mon corps. Oh, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon amour, mon amour, mon amour, mon trésor. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Calling someone and it's taking a little longer for the other end to pick up, that's because they're being entertained by the singing Karma Chameleon telephone. Call me again, call me again. Finally, the singing Karma Chameleon telephone is now available right here in the United States. Each time the phone rings, it's music to your ears. You know the song. It's the smash hit Karma Chameleon by Boy George and Culture Club, performed by none other than a singing chameleon and a ladybug. This is so cute. Get rid of your boring phone and let the Karma Chameleon telephone brighten up your calls every time it rings. The chameleon rolls his eyes, stands up, sings, and dances as red, gold, and green lights flash on its chest to match the lyrics of the hit song while the ladybug plays the harmonica. Which makes me love it even more. Now that's the fun way to receive any call. The Karma Chameleon phone is a fully functional telephone and operates with four AA batteries. It features a matching green telephone cord, large number buttons, making it easy to dial, a flash button for call waiting, call forwarding, and three different ring settings, including animated, a regular ring, and off. And it comes with a certificate of authenticity signed by Boy George. Watch the surprised look on people's faces when the fun Karma Chameleon telephone comes to life. It's the perfect conversation piece in your home or office. Get this fun telephone for yourself or as a perfect gift for everyone. Kids, teenagers, friends, parents, and grandparents. Don't expect to pay $120 or $100. Available only through this television offer, the Karma Chameleon animated telephone is available for only $89.95. But wait, order now and we'll take off an additional $20. That's right, you only pay the amazing low price of $69.95. Chose assez spéciale, il y a plusieurs personnes qui nous le demandent, c'est un réflexe intelligent, c'est logique. Les gens se demandent, est-ce que c'est une blague, ça, ou ça existe pour vrai, ce téléphone-là? On a été très contents de trouver, bien sûr, sur YouTube encore. Voilà, c'est la preuve. Il y en a plusieurs. Vous pouvez taper Karma Chameleon Phone dans YouTube et gagner des amis, on va dire. En tout cas, voilà, la preuve est faite. Il n'y a plus rien à redire. Là-dessus, on s'en va en studio rejoindre l'inénarrable Fred Fournier. Fred, tu t'es américanisé aujourd'hui. Ouais. OK. Devant le drapeau américain, wrestling style. Là, je regarde, je vois pas ta petite bannière. Tu n'es pas assez important, tu n'es plus là depuis assez longtemps. Tu étais rendu aux études. Encore là, tu n'as pas regardé Kung Fu. Ouais, ben, je m'en vais travailler là-dessus. Je te laisse le micro. Là, tu nous présentes un clip que tu veux qu'on écoute. Oui, c'est un clip. En fait, je me suis acheté un jeu d'échecs il n'y a pas si longtemps, donc j'ai recommencé à jouer aux échecs. Puis, je suis tombé là-dessus sur YouTube en faisant une recherche par rapport aux échecs. Et c'est Garry Kasparov, en 2004, qui joue un match contre un jeune maître international à l'époque de l'âge de 13 ans qui s'appelle Magnus Carlsen, un Norvégien d'origine. Donc, c'est un match assez spécial parce que c'est le plus jeune adversaire que Kasparov a affronté dans sa carrière de joueur d'échecs. Et ça se termine de façon assez spectaculaire. On va aller regarder ça. Ben, spectaculaire pour ceux qui s'intéressent aux échecs. Oui, ouais, parce que là, tu es en train de nous dire que toi, tu existes dans un pan de réalité où toi, t'aimes les échecs. Ouais, pas pire. OK. On commence à jouer, puis tu sais, je m'y mets, puis j'ai comme une curiosité envers les échecs, donc je suis pas comme un joueur assidu, là, super fort, qui clenche tout le monde, mais ça m'a intéressé assez pour justement regarder ça, puis c'est un peu sous forme documentaire. Voilà. Crème, c'est drôle de la journée pour passer ça, on s'en va écouter Kasparov contre Carlsen, qui a 13 ans. Kasparov, qui était le meilleur joueur au monde à l'époque. OK, bon, intéressant. À 70%. I don't know which animal he is at most, but something like a lion could be a possibility. I think he's the greatest chess player who ever lived. He's so much into the game that he can, his behavior can be quite obnoxious. Magnus is preparing for the big match in his own way. Yes, this match is quite interesting. I think it's a great opportunity for Magnus, but I think he has not big chance in this match today, with full respect. Magnus is ranked number 700 in the world and Kasparov is ranked number 1. There are 28 years separating the two. This is an historic moment. Kasparov has never played against anyone this young. Kasparov has been paid a lot of money to be at this tournament, but he is nowhere to be found. The others have already started their games and the clocks are ticking. Magnus is ready, but Kasparov just isn't showing up. När jag satt och väntade på Kasparov så var det... Jag tänkte, kan han inte komma snart? Och så prövde jag bara hålla till ro. Dad is nervous. The whole family has prepared for this match and it's tiring to have to sit and wait like this. Men jag ville gärna spela mot han. Calling Mr. Kasparov. Ils disent de Kasparov qu'il serait probablement le plus mauvais joueur de poker ever, tellement qu'il est démonstratif devant les chiens. Ok. Non, c'est pas du poker, mais mais comme il disait avant le en introduction de titre, c'est qu'il est tellement dans le match que souvent ça se résume. On voit Carlson qui s'ennuie, qui attend son. Il s'est dit, je vais aller voir les autres games pendant ce temps. Il avait déjà son move le prévu. Magnus is leading by one pawn, but he doesn't have much time left. Comme la reine. A draw. It's a sensation. Magnus managed a draw against Kasparov. Kasparov couldn't beat Magnus. Il a tout de suite pris ses affaires puis décollé. Il a même pas dit good game kid. Non, Magnus mødte Kasparov og pressede ham ganske hårdt med hvid. Det blev remis. Og bare det, at han ligesom spiller lige op med Kasparov i et enkelt parti. Jamen det tror jeg er et drøm for mange spillere, og det lykkes for en 13-årig. Det beviser et stort potentiale. Bon, ben en tout cas, je pense qu'il vient de monter un petit peu. Hein. On va écouter un clip avec une toune de Mike Oldfield, là, mais vous allez voir, c'est plein d'inventions mécaniques assez cool. À 70%. Merci, Fred! Bonjour, ici Daniel Gabriel. Je vous souhaite la bienvenue sur mon journal intime. C'est toujours un plaisir renouvelé que de vous revoir. Aujourd'hui, je vous propose en petite séquence vidéo une image bien typique de nos chemins de campagne en France, le transport des vaches par les fermiers. Bonne petite vision, à bientôt! Quoique c'est plus, vous faites les gros bras féminins aujourd'hui sous la bannière de Cynthia Rothrock, quoique c'est plus ce qu'il y a entre ses bras et les résultats de ce que peuvent faire ses bras qui sont gros entre ses bras, tu sais. Faut le dire, ouais, Rothrock est celle qui a dit oui avec le contraire du dos de la cuillère à la question « tu veux te faire grossir les seins ». Elle est, et pour cause, la plus féminine des personnes qui se bat de tous les temps dans tous ses films, et puis je vais arrêter de parler de sa poitrine parce qu'il y a quand même quelqu'un en arrière au complet. Quoi qu'elle est en arrière de sa poitrine. Lady Dragon est un film de vengeance personnelle standard sur fond de tournoi de bataille de rue avec des bridés qui crient, puis ils s'échangent l'argent, on sait pas trop, mais ils comprennent eux autres. Ça commence avec des combats, ça aboutit à une mission d'infiltration dans le party du méchant Norton. D'ailleurs, on va le commencer là, le film. Je vais pouvoir vous montrer des séquences, là. C'est moi qui ai le contrôle total. Quoi. Fait que ça commence au début, tu sais. La pleure en flashback, là. Allons, oubliez tout ça. Tu m'entends? Tu ne sais rien. Ça vaut beaucoup mieux pour toi. Mais c'est lui. Imperial Export. Je ne t'ai rien dit, Cathy. Je ne t'ai rien demandé. Écoute, si tu es dans la tête d'éliminer Hoffman, je te préviens qu'il ne faut pas compter là-dessus, Cathy. Tu m'as compris. On verra. On verra. Regarde. Donc, ouais, on l'a compris, on est tombé direct dessus. On ne comprend pas longtemps que le but de Cynthia est une quête personnelle, aussi appelée vengeance, qui débute à peu près tout le temps quand quelqu'un se fait tuer de manière méchante. En tout cas, il y en avait un qui était en gros sofa, c'était lui, c'est peut-être un autre. Roundhouse, Roundhouse, Roundhouse, Roundhouse. On finit par y arriver. La grosse particularité du film, c'est voilà, c'est ici, c'est que Cynthia, après, ça a été fait voler, violer, maganer solide par Richard Norton, l'Australien, qui joue le rôle du méchant. Ben, elle se fait sauver, recueillir par ici. On a Demi-Lune et son grand-père, qui est unilingue, autre chose que ce que nous autres, on est capable de parler. Et ben, au travers du dialogue traduit par Demi-Lune et des enseignements très sages de notre ami le moustachu à gauche, là. Alors? Ben, Cynthia va réussir à réapprendre le kung-fu de manière bien mieux, bien mieux, bien plus fort, bien blabla. Ceux qui ont déjà vu Kickboxer vont peut-être reconnaître un petit peu la thématique, le décor. C'est quelqu'un qui n'est pas supposé donner des cours en arts martiaux qui en donne, c'est-à-dire le petit kid au travers de son grand-père. Et c'est en même temps dans un décor de petites huttes et blablabla. On voit encore ici des séquences de petites huttes et de traditionnels japonais. On est-tu passé au travers de tout le montage? Ben oui, Arsou son kimono en cadeau, là. Ce serait peut-être bon, un petit bout de montage, voilà. On reconnaît le montage premier de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire le montage d'entraînement. C'est, à mon sens, plus fréquent que les montages de passes de blonde. C'est-à-dire que le couple commence, et ils s'en vont dans les villes, puis ils font des aventures ensemble sur une toune de drames sonores. Écoutez ça de là un peu. Sapristi pour s'entraîner comme fou, là. Donc, on reconnaît Cynthia Rothrock post-opération. Ça lui est arrivé après son 7-8e film fin années 80. J'avais dit que j'en parlais plus, j'en parle encore. C'est un film de 1992 de David Worth. Le monsieur Worth s'est fait connaître en mettant Jean-Claude Van Damme dans ses rôles les plus célèbres, ou en tout cas dans les plus célèbres, c'est-à-dire Bloodsport et Kickboxer. Et ben, on reconnaît bien la thématique de Kickboxer, là, comme je disais tantôt. Demi-lune, chanderie. Et voilà, on est revenu à la séance de tantôt. On continue un petit peu plus dans le film. Peut-être que je pourrais vous laisser là. Commence sa vengeance personnelle, puis on est à la moitié du film, ça donne bien. On va aller écouter Les Chevaliers de l'Inconnu. C'est notre ami Fred, avant de s'en aller, qui nous a donné deux clips de rap québécois qu'il aimerait beaucoup ça qu'on passe ici pendant qu'il n'est pas là pour les écouter. Fait qu'on écoute Les Chevaliers de l'Inconnu, rap municipal, puis l'autre après, c'est le même que d'habitude. C'est Tommy qui vous remercie d'être avec nous à 70% pour une émission spéciale, hein? Un petit clip show, hein? C'est cool. Chevalier de l'inconnu. Yeah. Yeah, man. Yeah. Coming down, bureau de poste, à quel truc, pas de fontaine. Rap musical. Pas comme Mike, Merengue, billet bleu, gros café. Rap musical. Lève les coudes, on est off the hook. On parle de nouveaux sons, qui vous get the shirt. Les chevaliers de l'inconnu, même si le bout du bout. Rap municipal, où c'est rien pour tout. On est les tas de la marque, le jet de la piste. Les real du rap, je peux même pas nous dire. À chaque fois qu'on pose de quoi, même si c'est très chagrin. On est back dans 10 ans, comme si ça se brille. Respect le concept. On représente la ville comme la mer, la bombe. Nos cops ici, ils veulent qu'ils pick up la bombe. On est bon avec les games qui se mouillent dans plomb. C'est bon, man. Rap municipal. Pas comme Mike, Merengue, billet bleu, gros café. Rap municipal. J'étais un piqué, beau comme pauvre homme de rinette. Plus sa perlipopette, le cheval, ma salopette. Ma nature a décidé que je devenais un homme. Femme, dada qui pousse sous ma gorge comme un congénome. Hormone à fond pour trouver aide et son fruit défendu. J'sais, tu sais qu'elle sait que c'est mon élu. Elle n'a qu'une seule envie, goûter mon cible à cibler. Chevalier trop soir, le groupe le plus adulé. J'ai plus de spectacle à Broadway, passé trop banal. J'vais de l'amont à Laval, de Québec à U, Montréal. Le Vador à Dorval, pour te donner ta dose de gratte municipale. Rap municipal. Pas comme Mike, Merengue, billet bleu, gros café. Rap municipal. Yo, t'as pas longtemps, j'fais du rap municipal. fatale. À quête de prendre fontaine, même je fais ça depuis 2014. Ce que je faisais, c'est des constructions 3D. Reproduction de l'Empire State, puis de la statue de la liberté. J'suis fucking down avec les passages scolaires, avec les passages, mes frères, avec les passe-droits du maire. Quand on pire droit, attendre toute la police va faire. On a du fascisme en backup dans l'arrière du truck, man. J'danse sur mes tasses. Bounce sur l'asphalte, chaîne d'espratoire pour tous mes boys qui sont down, qui sont esclaves de leur sang, qui portent pas de choses en vacances, qui ont la fièvre qui monte pour les lumières du flash en background. Et bateau, hein, on vient de passer au travers du roi Enoch. C'est... Ouais, vous en avez vu un petit bout, on va se saucer dedans dans pas long. C'est Mario Benjamin, j'aimerais vous montrer un petit peu le site internet avant qu'on aille vers autre chose. Vous allez voir, on y arrive. Donc Mario Benjamin qui ici est en train de nous dire qu'il a fait, et ça je trouve ça assez important, acheter maintenant, nouveauté, lancement du vidéoclip Mario Benjamin, ces enfants-là, 2012. Oui, c'est sorti, c'est nouveau, on le voit crier. Il y a moyen d'aller chercher ça sur les internets, sur YouTube. Il nous le vend aussi pour l'encourager à en faire d'autres. Ce que je veux vous signifier, c'est qu'il est écrit... Ouais, là, il y a de la publicité. Posez-vous la question. Pensez-vous... Ici, posez-vous la question. Qui pensez-vous clique sur « Je n'aime pas » Mais ça n'existe pas. Je n'aime pas, premièrement, sur YouTube. Mais bon. Voilà, avec 2L, le lancement enfin du clip le plus intense. À vous de le regarder. Merci de laisser un commentaire parce que c'était popularisé comme ça. C'était vendu comme le vidéoclip le plus intense de tous les temps. Pourriez-vous le regarder jusqu'au bout? Et voilà, je suis rendu direct dessus. C'est écrit là, ces enfants-là, 2012, lancement du vidéoclip le plus marquant de l'histoire et le plus intense jamais produit, humblement. Pourriez-vous le regarder jusqu'au bout? Ça se dit très difficilement. Les gens disent d'habitude, pouvez-vous? Pourriez-vous? Non. What? En tout cas, on est rendu dans l'univers de Mario Benjamin et avant d'aller écouter le vidéoclip original, ça va me faire plaisir de vous faire vous saucer de force dans l'espèce de promotion qu'il y avait autour de ça. Là, ça dure 4 minutes 55, après on a le vidéoclip officiel. Fait que la publicité est à peu près aussi longue que le vidéoclip. Deux fois d'affilée sur douteux.tv. Que des enfants se font abuser. Puis ça me fait mal quand je pense à ça. Imaginez ces enfants-là. Ok, non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter d'écouter la version studio, puis on va aller écouter le vidéoclip officiel, qui est la même toune, mais avec un vidéoclip tellement intense, qui nous lance, il nous met au défi, Marion Benjamin, pourriez-vous l'écouter jusqu'au bout? Et voilà, lancez. 2012, c'est nouveau. C'est une spéciale de GIE, cyberprédateur dans la nuit. Bonsoir. Les images et les propos que vous allez voir et entendre à l'émission risquent de vous choquer, surtout si vous avez des adolescents, car le leurre d'enfants constitue l'une des plus répugnantes formes de criminalité et malheureusement, il s'agit du crime qui connaît la plus forte croissance au Canada actuellement. Les prédateurs sexuels n'ont plus besoin de rôder autour des écoles et des parcs pour approcher des enfants. Ils utilisent désormais Internet, plus facile, plus efficace. Et leurs victimes n'ont parfois que 10 ans. On entend souvent parler de cyberprédateurs. Ils montent à l'œuvre, ils sont rusés, manipulateurs, ils sont menteurs. Et pour les besoins de notre enquête, nous avons donc créé sur un site de rencontre le personnage fictif d'Elodie, une adolescente de 13 ans. En 2 mois, une cinquantaine de prédateurs l'ont sollicité. Ils ont tenu des propos crus, ils ont tenté de la convaincre, de leur envoyer des images d'elle nues ou encore ils se sont exhibés via leur webcam. Et dit... capable d'entendre dire

puis les choses, puis les affaires, ces deux patentes. Game faut attendre. Ça nous a pris quand même beaucoup d'efforts à Mario Benjamin pour réussir à nous produire cette affaire-là 2012. J'aimerais féliciter tout particulièrement les efforts de Mario Benjamin qui nous ont permis d'écouter. On l'a tout fait ensemble. C'est le vidéoclip le plus intense jamais réalisé. C'est disponible sur iTunes, Amazon, YouTube ou, mettons, en archive sur douteau.tv en écoutant 70%. On va continuer. Je pense qu'on va reparler encore un petit peu de Lady Dragon avant de finir une émission écourtée pour cause Eclipse Show. Lady Dragon, CFP Distribution, on le reconnaît. Là, on était rendu, on avait laissé Cynthia Rothrock dans le milieu de la... Ben, en fait, elle venait de s'entraîner avec Demi Lune et son grand-père. On était avec Cynthia. Et qu'est-ce qu'elle va faire un coup qu'elle a réussi à s'entraîner, à passer au travail de tout ça, gagner les galons, devenir assez forte? Ben, elle va kicker dans des endroits où elle n'avait pas kické ensemble. Encore, on s'entend. Et voilà. Ça a été assez long avant qu'elle ait confiance, j'ai l'impression, à l'écran, parce que ses combats sont beaucoup plus découpés que ceux de la moyenne à cette époque-là. C'est peut-être David Worth aussi qui a amené ça à l'écran, parce que Van Damme n'a jamais eu des combats qui étaient bien pas découpés, pour pas parler en négation. Donc, elle quitte les culs d'inconnus, on est en endroit très spécial. C'est Richard Norton, c'est lui qui joue Outman, c'est le méchant. Pour tu as tellement d'ennemis. Merci de me le rappeler. Tu vois, il souffre. Et ça, c'est Cynthia Rothrock qui fait des bulles. On continue, elle est heureuse, elle est en train de monter dans l'organisation, de se faire accepter, se faire voir par les gens de lui. Outman, le méchant. Tout ça pour arriver fatalement au combat de la fin, parce que c'est tout le temps comme ça que ça finit, c'est-à-dire avec des ralentis et des bottes dans la face. On va l'écouter un petit bout, parce que c'est quand même Richard Norton contre Cynthia Rothrock. C'est déjà arrivé d'autres fois dans l'histoire, mais... Ouais. C'est assez. c'est deux acteurs importants. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont capturé Demi Lune et le grand-père. Non! Encore une fois, la constance se vérifie. Si t'es musclé, t'as pas de poils. C'est terminé, connard. Va falloir te battre de façon équitable. Enfoiré. Fait que la fille à moustache, c'est un policier, finalement. Fait que toutes les bobos qu'elle s'est fait faire, ça paraîtra plus. La sagesse asiatique. D'habitude, là, il y a plus de coups qui sont bloqués que de coups qui bloquent. Ça va passer au ralenti, très important. Ça signifie qu'on arrive au bout. Là. Vous voyez, elle est en train de le dépenser. Ce qui va avoir de plus haute, ça va être important. Ça va faire une quantité assez. attaquant. C'est donc le combat de la fin de Lady Dragon avec Cynthia Rotrock. C'est notre choix pour ce soir, la semaine des gros bras. En fait, on continue le mois des gros bras. On vous invite à aller voter sur le site, le www.douteux.org. Et on continue en clip avec, parce que nous, on en fait souvent, on va voir des gens, on a des caméras, on a Mathieu Boudreau, on a Rémi Rifard. Et les deux ensemble sont allés se promener au parc Émilie Gamelin, à côté de chez nous, à côté du musée. Et ils ont rencontré Michel. C'est quelqu'un d'assez particulier, Michel. Et il va nous parler, là, c'est une entrevue. Ça dure 8 minutes. Ça a été fait à la bonne franquette, comme dirait quelqu'un qui sait pas trop ce que ça veut dire, à la bonne franquette. Là, on revient après pour la fin de l'émission. Douteux.tv, la TV des délaissés. Mais non, c'est pas une métaphore, celle-là. Ça, c'est un homme qui donne un bec à un homme. C'est quoi ton nom? Il est intelligent. Pour moi, l'intelligence, c'est quelque chose qui est... C'est pas intellectuel, c'est un ensemble. Au niveau affectif, au niveau spirituel, rationnel. C'est un équilibre. Un homme intelligent se définit, puis une femme intelligente se définit par l'équilibre entre les trois types d'émotions. Puis je parle d'émotions, là. On peut parler de rationnel comme étant une émotion aussi, hey Mario, qui permet de penser, mais il y a du monde qui sont tout à fait imbéciles, tu sais, je veux dire, quand même tu serais surdoué à 170, 175, on en avait vu à 180 de quotient intellectuel, là, d'après les QI, il y a une cinquantaine d'années, là, 60 ans, mais aujourd'hui on les définit vraiment comme des personnages qui ont un équilibre entre les émotions, etc., etc. Je ne me répéterai pas. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses, pour toi, c'est quoi douter? Douter? Ben, pour moi, douter, c'est comme douter à chaque jour. Douter, c'est être, ne pas être, tout simplement. C'est... des journées qu'on est plein, qu'on est là à plein, à 100%, des journées qu'on n'est pas là à 100%. C'est des journées, le doute, c'est quand on voit le mal, que partout dans le monde, puis avec soi-même aussi, puis les autres, puis on dit quelque chose qui va pas, c'est... Pourquoi le mal? Douter, c'est quand je me confronte au mal. Oui, c'est ça. C'est quoi pour toi l'amitié? L'amitié, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est plus cher que l'amour. C'est la fidélité, c'est la difficulté, l'amitié. C'est indéfectible. C'est complet. Il n'y a jamais de relation. Ils vont vous dire... Qu'est-ce qu'une métaphore? Il n'y a jamais de... C'est quoi une métaphore? Peux-tu te donner un bec, ça, ça va, mon homme? Oh, une métaphore, c'est un bec. Non, tu vas tout comprendre après. Non, On va là. Ben oui, ben L'amitié, c'est la plus belle richesse au monde. Toujours. Ce sera toujours la plus belle richesse. Mais à l'ancien temps, tu sais, à ce temps-là, parce que c'est inconditionnel. C'est transcendant. C'est quand t'avais un fil, tu sais, t'en rappelles-tu la tête? Pas mêlé à la sexualité. Tu sais, t'avais la sexualité vient souvent biaiser l'amitié. L'amitié, c'est plus pur que l'amour. Moi, je pense que c'est l'amitié, c'est l'amour pur. Une petite oreillette, là. Simplement. Une petite oreillette. Un morceau de carton. Là, quand voilà. T'as un fil, là, au bout. Ouais, merci. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Les zombies. La chose qui me fait peur, c'est le mal dans le monde, moi. Hey, qu'est-ce qui te fait les peur? Les gens qui sont dépassés par l'ambition, par l'argent, le pouvoir. Le pouvoir, c'est... Va te ramener dans le cimetière. C'est extrêmement dangereux. Moi, de par mon rôle comme directeur d'école secondaire, j'ai été 17 ans. Ils sont fous, ces deux-là. À 2000 élèves. Le pouvoir, c'est quelque chose de très fort. Tu peux, parce que tu as la main mise sur les autres, sur leur vie, les décisions que tu vas prendre. T'as le même micro. C'est très. Il faut toujours. Le pouvoir, c'est ce qu'il y a de plus mal. C'est ce qu'il y a de plus mal. Puis c'est ce qu'il y a de plus beau en même temps parce que tu peux t'en servir pour faire grandir les gens. Mais il faut à chaque jour continuer à penser que chaque instant, il faut renouveler tout le temps ces moments-là. Car je suis là parce que j'ai les qualités nécessaires. Puis le pouvoir, c'est. La classe ouvrière. C'est pour apporter du plus aux autres, à moi-même et aux autres. Alors, c'est ce qui est le plus dangereux. C'est toi le pack-sac, hein? Oh, oui, je le check. Oubliez-vous. Non, je le check. Pour toi, c'est quoi le civisme? Quand quelqu'un part le civisme? Ah, j'ai voyagé beaucoup, puis je vais te dire une chose. Moi, le civisme, c'est où j'ai vu le plus de civisme dans ma vie, c'est en Allemagne. Hey, c'est un Italien qui tourne des bottes. Puis quand les jeunes apprennent. Les parents apprennent déjà leurs enfants, ils commencent à marcher, là, ils font quelques pas. Là. Je la trouve ça m'avait tellement frappé, là, puis j'ai vu ça à plusieurs reprises. Les enfants, ils jettent un petit papier par terre comme ça, puis le moment, puis le papa Italien dit... En allemand. Un Italien qui tourne des vôtres. Non. Le civisme. Ils font ramasser le papier, puis ils le mettent dans la poubelle. Ils veulent le porter dans la poubelle. Mais c'est propre, cette ville-là. Elle est impeccable. C'est la ville la plus propre au monde que j'ai vue dans ma vie. Puis j'ai fait tout l'Europe. Il me reste la Russie à faire. Oh, le civisme! C'est ça, du civisme. Le civisme, c'est avoir le sens commun envers les autres. Savoir que la planète, elle ne t'appartient pas. Elle appartient aux générations passées, présentes, futures. Ah, t'es chum. Le civisme, c'est du savoir-vivre. C'est du avoir une conscience libérale. Salut. Qui est très, très, très évoluée. Les Allemands ont toujours été au-dessus de bien du monde parce qu'ils avaient beaucoup de civisme. Alors, du civisme, c'est quand je vois ça, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, des fois, je me dis, oh, je vais aller le porter à la poubelle. Oh. Non, je vais aller porter la poubelle. C'est juste un petit exemple, là. C'est juste pour expliquer, mais c'est grand. Hey, mais c'est correct, hein? Puis, mettons, demain matin, c'est la fin du monde. Oui. Mettons, demain matin, c'est fini. Qu'est-ce que tu as à dire au monde qui nous regarde? Allez, regarde. Demain matin, c'est la fin du monde? Mettons, demain, c'est fini, là. Qu'est-ce que tu as à dire? Ben, vis l'instant présent. À fond, puis tout simplement, comme je te parle, continuer à vivre à rien à faire d'extraordinaire. J'avais pas tu es en train de parler avec quelqu'un, c'est quelque chose de concret, de réel, réaliste. Alors, vis-le à fond, ce que tu fais présentement. Puis quand ça va arriver, tu vivras jusqu'à la fin. J'ai eu un 10 de From Zappa, puis il était plat à grandeur. Merci. Merci à toi. Douteux TV, la TV des délaissés. Tu peux me donner un bec si tu veux. Quel tonne de From Zappa? Ben, je peux t'en donner un sur le bec aussi. Ah oui. Non, tout le monde. Douteux TV, la TV des délaissés. Ah, merci beaucoup à Mathieu Boudreau qui est allé nous voir, un nouvel ami dans le centre-ville. Attends un peu, toi là, wow. On finit l'émission, ça a été un clip show. On a eu Mario Benjamin, ça je pense qu'on va s'en rappeler longtemps. Toutes sortes de choses. J'ai même mis du Danny Daniel Gabriel, une grosse nouveauté en début. Tout ça pour vous dire merci beaucoup de nous suivre. Moi j'aime bien ça, faire de la télévision. En fait, on est à la recherche de techniciens ces temps-ci aussi à douteux.tv. Donc si ça vous tente de venir nous aider, vous êtes disponible une fois de temps en temps. On peut vous montrer comment ça marche. Venez faire votre show, faites ça autrement. Sinon, c'est quoi que je voulais dire? Oui, c'est ça. Vendredi qui s'en vient, c'est le gros événement pour douteux.org. On fait un party à thématique quand Noël du campeur pour la féliciter, la vraie de vraies affaires. Il va y avoir un Père Noël sur place. Il va y avoir des cadeaux en vente que vous allez pouvoir comme écrire le nom de votre aimé dessus pour lui que le Père Noël l'appelle ensuite. Il va y avoir aussi DJ George qui nous prépare un set list tout à fait spécial. Quelques surprises et sûrement des jeux de société. Là, amenez ce qui vous tente, on recommence ça. C'est au 24 Mont-Royal Ouest, suite 200, c'est les studios Flamenco. Envoyez-moi un email à moi, sinon s'il y a un problème, on va se retrouver, c'est sûr. En attendant, ben merci beaucoup. C'est Tommy qui vous dit de passer une bonne journée et puis tout le reste. Là, je vais peser play sur Lady Dragon. Vous allez écouter ça parce que moi, je m'en vais l'écouter au brouhaha. Merci de nous suivre. Puis, c'est ça. Faites attention à vous autres, il y a des marches d'escalier partout. J'insiste, mais encore une fois, de nos jours, les gens se blessent. Voilà, à la semaine prochaine, les amis vont être de retour.